À l'occasion du jour de la grande victoire des Coréens dans la guerre de libération de la patrie, le Parti communiste bolchevique de toute l'Union de Russie a inséré le 27 juillet dans leur homepage d'Internet un écrit titré « La République populaire démocratique de Corée célèbre le jour de victoire dans la guerre contre les États-Unis ». L'auteur a écrit que les États-Unis ont subi une perte colossale dans la dernière guerre de Corée de 3 ans, bien qu'ils y ont mobilisé des effectifs de plus de 2 millions d'hommes, y compris non seulement leurs forces armées, mais aussi les armées des 15 pays satellites, l'armée fantoche sud-coréenne et les anciens militaires japonais. Ensuite, il a qualifié la victoire du peuple coréen dans la guerre comme le grand événement qui a infligé une défaite aux impérialistes américains pour la première fois dans l'histoire.